Il n'avait que 16 ans. Un adolescent a été tué à l'arme blanche en fin d'après-midi lors d'une bagarre à Cergy dans le Val d'Oise. Plusieurs jeunes, en fait, se sont affrontés dans le centre commercial des Trois Fontaines pour une raison encore inconnue. Il n'y a pas eu d'interpellation. La victime a succombé à ses blessures à l'arrivée des secours. Si t'as le cran, tu me réfléchis. Dans quelles circonstances tu vas grandir? Lucifer est partout, présent dans nos veines, nos vers. Et même dans les mesures de nos vers, sur les boulevards de la cité, en grainage mortel. Si t'es fasciné, la banlieue c'est pas mortel. J'en souffre, ok, et j'en suis choqué. Le souffle coupé, comme si je suffoquais. Hey, c'est mon 95 que je te pardonne, fautif. Si t'as un cœur, que Dieu te pardonne. À chaque fois les mêmes peines nous sont chroniquées. Et toi qui n'as rien fait, pour toutes les âmes qui sont parties nous ont quittés. La mort ne choisit pas, peu importe l'identité. Il pleut des larmes dans le jardin plein d'indifférence. Et pousse des roses épinées en termes de violence. Pour toutes les âmes qui sont parties nous ont quittés. La mort ne choisit pas, peu importe l'identité. T'es dans la matrice mais n'évitera pas les balles. Tu brilles Homs pour la paix, c'est les bons bails. C'est malheureux mais certains sont tombés amoureux de la haine. Certains violences est humaine mais elle n'est pas saine. Surtout quand elle entraîne la mort d'un jeune comme toi. On se ressemble donc on doit s'unir et se taper contre l'État. C'est pas normal qu'entre nous on se fasse la guerre. Les rixes entre humains du même sang me désespèrent. On a les mêmes ancêtres, pourquoi commettre le péché de Caïn? Ça ne réservera rien de se mettre des coups sur un. Deux destins brisés, celle du défunt et celle de l'agresseur. Pour l'un l'imprison, l'autre la mort, ça me crève le cœur. Avant d'agir faut réfléchir, car accomplir l'irréparable est indéfendable. Défendu car c'est un acte inexplicable. Faut toujours penser aux valeurs qu'on t'a inculquées et ne pas briser en quelques secondes ce qu'on t'a enseigné. Je suis pas un messie, ni le dieu messager. Mais sachez que mes couplets espèrent la paix et l'unité. Pour toutes les âmes qui sont parties nous ont quittés. La mort ne choisit pas, peu importe l'identité. Il pleut des larmes dans le jardin plein d'indifférence. Et pousse des roses épinées en termes de violence. Pour toutes les âmes qui sont parties nous ont quittés. La mort ne choisit pas, peu importe l'identité. T'es dans la matrice mais n'évitera pas les balles. Du brille Homs pour la paix c'est les bons bails. Chante en arrogance pendant que tes petits rêves t'y crèvent. Dans le ghetto avant de se tirer. Écoute-moi la félicité, la félicité. Car celle-ci est si terne dans les sites de nos cités. L'union fait la force mais là on est fatigué. Alors en marche, j'irai en marche pour naviguer. Devant la violence, fais pas trop le malin. Karima, ça fait trop mal. C'est trop triste qu'un jeune finisse dans le corbillard. Les honnards sont prêts à chasser pour un simple regard. Même si on est perdu, faut suivre la bonne voie. Car le diable nous encercle et on le remarque même pas. Faut penser aux petits qui nous prennent pour modèle. La vie n'est pas virtuelle, jette ton arme à la poubelle. Homme Jibril sur l'instru pour la même cause. Interprète-toi quand tu vois des personnes. Pour toutes les âmes qui sont parties nous ont quittés. La mort ne choisit pas, peu importe l'identité. Il pleut des larmes dans le jardin plein d'indifférence. Et pousse des roses épinées en termes de violence. Pour toutes les âmes qui sont parties nous ont quittés. La mort ne choisit pas, peu importe l'identité. T'es dans la matrice mais n'évitera pas les balles. Du brille Homs pour la paix c'est les bons bails. La paix c'est les bons bails. Pour la paix c'est les bons bails. L'amour c'est les bons bails. Pour la paix c'est les bons bails. La paix c'est les bons bails. Pour la paix c'est les bons bails. L'amour c'est les bons bails.